Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Les Françaises, les Français et l'épuration, c'est le titre du nouveau livre de Fabrice Virgili et François Rouquet. Fabrice Virgili qui est l'invité de Franck Ferrand cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Le travail de Fabrice Virgili paraît en même temps que celui d'Emmanuel Pierra sur le même sujet. Sujet sensible, dérangeant, une sorte de caillou dans la chaussure des Français, si j'ose dire. Pour nous immerger dans l'époque et ses problématiques, je vous propose tout de suite d'évoquer l'image déjà très célèbre de la tondue de Chartres. La soirée du mardi 15 août 1944 à Chartres, donc la capitale, la préfecture de l'Eure-et-Loire, le drapeau français flotte à nouveau sur les bâtiments de la préfecture. Les forces françaises intérieures, les FFI, viennent de libérer ce lieu où 4 ans plus tôt, Jean Moulin, qui à l'époque était préfet du département, avait tenté de se trancher la gorge pour ne pas signer une déclaration de l'armée allemande selon laquelle des soldats africains de l'armée française s'étaient livrés à des actes de barbarie sur des civils. Dans quelques heures, la 3e armée américaine du général Patton va entrer dans Chartres et poursuivra, vous le savez, alors que ça n'était pas initialement prévu, sa route jusqu'à Paris. Le gros des troupes allemandes s'est déjà replié, se replie sur la rive droite de l'Eure. Le lendemain, dès le lever du jour, alors que les combats se poursuivent un peu partout, des personnes suspectées de collaboration avec l'ennemi sont arrêtées à leur domicile et sont rassemblées dans cette fameuse cour de la préfecture. 3 collaborationnistes sont exécutés, 11 femmes sont tondues dans la cour d'honneur. Il faut préciser que cette cour d'honneur est visible depuis la rue et qu'il y a aux grilles toute une foule qui est là et qui crie et qui hurle. Le photographe de guerre Robert Capa, qui est chargé de couvrir le débarquement allié en Normandie pour le magazine Life, Robert Capa va, avec son fameux appareil Contax, va photographier le groupe. 29 personnes, 19 femmes, 9 hommes et un bébé. Et dans l'après-midi, les FFI ordonnent d'évacuer les femmes tondues. 3 sont conduites jusqu'à la prison, les autres sont libérées de la préfecture, mais elles vont devoir subir une espèce de déambulation, de promenade humiliante jusqu'à leur domicile sous les insultes, sous les quolibets de la foule. Parmi elles, cette fameuse jeune femme aux yeux verts qui porte une robe à petits carreaux et par-dessus une blouse blanche. Capa l'a remarquée immédiatement lorsqu'il est arrivé à la préfecture. Elle a un bébé dans les bras, un bébé de 2 mois et demi. Elle est la seule à avoir le front marqué de 2 cercles au fer rouge. Sur un premier cliché, on la voit avec son bébé dans les bras, entourée de sa mère et de son père. Sa mère, en robe noire, qui également est tondue, porte des lunettes et a une main enserrée, si je puis dire, autour d'un biberon vide. Son père, un béret sur la tête, ramasse quelque chose au sol. La jeune femme au crâne rasé quitte à présent la préfecture. Elle porte son enfant du bras droit et tient son baluchon de l'autre main. Robert Capa va immortaliser cet instant. La famille emprunte ensuite la rue du Cheval Blanc dans le quartier de la cathédrale. Et de chaque côté, des hommes, des femmes qui sont là. Certains crient, d'autres rient, d'autres ont l'air stupéfaits. Et Capa va prendre une nouvelle photographie. Une foule de plus en plus importante suit la jeune femme tondue, encadrée par 2 policiers dont l'un est en train de rire. Autour d'eux, des fillettes, des femmes qui ont tout le visage tourné vers la jeune femme, qui, elle, reste absente au regard posé sur elle et ne quitte pas des yeux de son enfant. Sa mère est à gauche, son père, les yeux complètement baissés, marche devant à grandes enjambées. Robert Capa actionne son déclencheur et cette image qui s'intitule « Femme tondue pour avoir eu un enfant d'un soldat allemand ». Cette image, datée du 18 août 1944, est publiée dans le dossier de 4 pages que Life va consacrer à la libération de Chartres 15 jours plus tard. Et cette photographie est très célèbre, bien sûr. Elle a pour légende une jeune femme collaborationniste portant un bébé. Elle est suivie par une foule injurieuse après qu'on lui a tendu la tête. À travers le pays, les Français remplis d'exaltation patriotique ont envahi les rues pavées, suspendu des drapeaux tricolores auparavant cachés, puni les collaborateurs, harcelé les Allemands. Fabrice Virgili et François Rouquet, dans Les Françaises, les Français et l'épuration, nous disent « Tondre les cheveux ». Déchirer partiellement les vêtements des femmes, parfois en les dénudant totalement, sont des pratiques qui s'érigent en une mise en scène du corps, laquelle brave les tabous de l'époque et revendique explicitement cette dimension sexuelle. La chevelure, attribut de la séduction, marqueur culturel de la différence entre les sexes dans bien des sociétés et à différentes époques, que les religions monothéistes ont longtemps imposé aux femmes de cacher. La chevelure, perçue comme symbole de la trahison en 1944, doit également disparaître. Alors, La photographie dont je vous parle depuis le début a fait le tour du monde. Elle est devenue en quelque sorte le symbole de ces femmes tondues à la libération, un des aspects de l'épuration, un cliché devenu tellement célèbre et qui a inspiré tant d'œuvres de fiction par ailleurs. Après être revenue chez elle avec ses parents, la jeune femme tondue est interrogée une première fois le 20 août, le lendemain de la libération définitive donc de la ville de Chartres. Et il se trouve qu'elle s'appelle Simone Touzeau. Elle a 23 ans. Dans un ouvrage intitulé « La tondue 1944-1947 », Philippe Frétinier et Gérard Leray nous disent « Elle dissimule son crâne rasé sous un turban. Elle souffre de la brûlure au front que lui ont infligé les FFI 4 jours plus tôt. La veille, la plaie au 3e degré s'étant infectée, elle a dû se rendre à l'Hôtel Dieu pour se faire soigner. » Alors, me direz-vous, et c'est ce qui nous intéresse, que reproche-t-on concrètement, que reproche-t-on exactement à cette jeune femme ? Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors Franck, cet après-midi, vous nous racontez l'histoire de la tondue de Chartres. Elle est arrêtée lors de la libération, on vient de le voir avec vous. Libération de la ville par les Alliés en août 44. Alors avant de voir ce qu'on lui reproche, est-ce que vous pouvez nous dire quand et comment a été décidé le principe de l'épuration ? Oh, il a été décidé assez rapidement. Dès juillet 41, on peut lire dans un article de Défense de la France, je cite « Vous serez tondue, femelle dite française qui donnait votre corps à l'allemand ». Donc juillet 41, au début de l'année 43, des listes noires sont établies par les communistes, puis par un certain nombre de gaullistes. Et le 18 août de la même année, à Alger, le Comité français de libération nationale, le fameux CFLN, va instaurer par ordonnance une commission d'épuration. Son cadre n'est pas limité à l'Afrique du Nord, mais à tous ceux qui, dirigeants ou fonctionnaires, ont par leurs actes, leurs écrits ou leurs comportements, encourager l'action de l'ennemi. Voilà qui est relativement clair et qui donne un très grand périmètre de compétence aux instances qui devront un jour juger. Quelques semaines plus tard, en octobre 43 donc, est créée la première commission d'épuration départementale en Corse, et pour cause, hein, puisque premier territoire libéré. Lors du premier interrogatoire, Simone Touzeau déclare avoir été membre du Parti populaire français, donc du PPF, de mars à septembre 43. Ce PPF, c'est le célèbre parti de Jacques Doriot, hein, bien sûr, parti collaborationniste s'il en fut. Elle est également partie travailler comme volontaire en Allemagne de septembre à novembre 43, avant de rentrer en France. « J'étais enceinte d'un Allemand que j'avais connu à Chartres et qui avait été envoyé sur le front de Russie, dit-elle. Durant mon séjour dans le Reich, j'ai revu celui que je considère comme mon fiancé en convalescence à la suite d'une blessure. Cet homme s'appelle Erich Goetz. Il est responsable d'une librairie militaire de Chartres, située dans un local commercial qui avait été réquisitionné, rattaché au service de presse et de propagande de la principale unité militaire d'occupation stationnée dans la ville. Il est parti sur le front russe, donc, en novembre 42, au moment du basculement de la guerre. Vous savez, novembre 42, c'est le moment du débarquement d'Afrique du Nord pour les Alliés. C'est le moment que vont choisir les Allemands pour entrer en zone libre et pour occuper l'ensemble du territoire. Quand je dis occuper, occuper militairement l'ensemble du territoire, puisque par définition, tout l'était depuis le début. Simone Touzeau ajoute qu'elle souhaitait régulariser sa situation, car cet homme, dit-elle, cet homme, cet Allemand, est le père de sa fille de 2 mois, celle que l'on voit donc sur les fameuses photos de Capa. Il était prêt à reconnaître sa paternité, à épouser Simone. C'est ce qu'on appelle la collaboration horizontale. Nous allons y revenir tout à l'heure. Hein. Ce sont toutes ces relations entre des Françaises et des Allemands. Elle reconnaît également avoir été la maîtresse d'un autre soldat allemand à Chartres au cours de l'année 1943, donc deux relations avec des Allemands. En revanche, Simone Touzeau nie avoir dénoncé à la Gestapo quiconque, hein, notamment des voisins, 5 habitants de Chartres, parce que c'est ce qu'on lui reproche le plus concrètement du monde. 5 habitants de Chartres arrêtés avec 9 autres personnes en février 43 et dénoncés comme ennemis de l'Allemagne. Elle nie absolument ces faits. Eux sont accusés de quoi, ces habitants? Tout simplement d'avoir écouté la BBC. Dans « Être ennemis, les enfants de couples franco-allemands nés pendant la Seconde Guerre mondiale », Fabrice Virgili nous dit, je cite, les maisons constituaient des observatoires idéaux pour épier le comportement des voisins dans le Chartres de l'occupation. La fréquentation du domicile des A, puisqu'il ne cite jamais le nom des Touzeau dans l'ouvrage, par de nombreux Allemands, les vivres, bouteilles de vin et spiritueux qui étaient consommés au cours des repas, la présence de femmes aux messes des officiers de la Wehrmacht, la compagnie de soldats au théâtre ou en promenade, les tentatives de la mère, je cite, d'écouter aux portes de ses voisins, en particulier à l'heure du communiqué de Londres, ou de s'approcher des fenêtres pour y écouter ce qui se disait, tout cela faisait de la famille A le relais de l'occupant au cœur du quartier. Les voisins percevaient la maisonnée comme menaçante, susceptible, sur une simple parole, de disposer de leur sort. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous montre le rôle qu'a joué la peur accumulée pendant de nombreux mois, pendant des années, dans ces événements un peu parfois débordants de l'épuration. Trois des cinq personnes arrêtées lors de cette fameuse rafle dont je vous parlais ont été déportées au camp de Mauthausen en Allemagne et deux sur les trois sont revenus seulement. Simone Touzeau rejette la culpabilité sur une voisine. Il se trouve que cette voisine était interprète auprès des Allemands. Elle est présentée comme la maîtresse d'un des officiers de la Gestapo. Elle est partie lors de la retraite allemande en août 1944, cette voisine. Simone Touzeau rapporte les propos tenus par cette femme après l'arrestation des voisins. « Je suis bien contente car je suis débarrassée des gens qui ne m'appelleront plus ni espionne ni boche. » Et ces haines recuites qui se sont développées au sein même des différents quartiers. Simone Touzeau affirme être intervenue auprès des autorités allemandes en faveur de deux habitants de Chartres. « Grâce à elle, dit-elle, l'un a été libéré et l'autre n'a pas été déporté en Allemagne. » Alors, il y a toutes sortes de témoins qui sont entendus, bien sûr. Et après leurs auditions, les témoins en question évoquent les sympathies nazies de Simone Touzeau et sont unanimes à la désigner avec sa mère comme les dénonciatrices des Français arrêtés par la Gestapo et déportés en Allemagne. Après tout ça, l'enquête est conclue par un rapport du commissaire spécial. « J'estime qu'une sévère mesure doit être prise à l'encontre de ces deux femmes, qu'on ne peut accuser faute de preuves formelles, mais dont l'attitude a été déplorable durant les années d'occupation. » Voilà qui est relativement précis et mesuré d'une certaine manière. La mère de Simone, Germaine, va rester en garde à vue quant à Simone. Avec sa grande sœur et son père, ils sont libres. Mais 12 jours plus tard, on voit se retourner la situation. Simone et sa mère sont incarcérées à la maison d'arrêt de Chartres. Il y a eu de nouvelles plaintes qui ont été déposées contre elle par le voisinage. Quant à la fille de Simone, eh bien, elle est recueillie par sa tante, par la grande sœur de Simone. Un mois plus tard, le 5 octobre 1944, notre futur tondu, si je puis dire, cette Simone est transférée au camp de Pithiviers dans le Loiret. Elle est rejointe 2 semaines plus tard par sa mère et les deux femmes vont devoir à ce moment-là s'apprêter à affronter l'épuration judiciaire. Dans toujours cet ouvrage, Les Françaises, les Français et l'épuration, Fabrice Virgili et François Rouquet nous disent « À partir du mois de septembre 1944, sont mises en place les différentes structures judiciaires, administratives ou professionnelles qui ont désormais en charge l'épuration d'environ 350 000 individus accusés de collaboration. En sachant qu'un dossier peut concerner plusieurs personnes, ce sont 300 000 dossiers pour les trois juridictions, Haute Cour de justice, Cour de justice et Chambre civique, qui ont été ouverts, auxquels il faut ajouter 100 000 dossiers d'épuration administrative et 120 000 citations pour les comités de confiscation des profits illicites. Très important, cette affaire sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. La Cour spéciale de justice chargée de juger les actes d'intelligence avec l'ennemi et d'intelligence antinationale, c'est le nom de cette juridiction en Eure-et-Loir, cette Cour spéciale est officiellement installée dans les murs du tribunal civil de Chartres. Le 14 février 1945, Simone et sa mère sont inculpées d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et elles sont donc déférées devant cette Cour de justice. 15 jours plus tard, elle quitte Pithiviers pour être écrouée sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Chartres, avec des faits très graves qui leur sont reprochés. Elle risque tout simplement la peine de mort. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Jusqu'à 15h, nous sommes au cœur de l'histoire de l'épuration. Vous nous racontez l'histoire de la tondue de Chartres, Franck Ferrand. Nous sommes 15 jours après son arrestation avec sa mère. Elle quitte Pithiviers, elles sont écrouées sous mandat de dépôt. Vous venez de nous le raconter. Les faits sont graves, elles risquent toutes les deux la peine de mort. Alors oui, vous l'aurez compris, l'instruction n'est pas en faveur de Simone Touzeau et de sa mère. Les lettres, les carnets saisis à leur domicile lors d'une perquisition montrent les relations, les bonnes relations chaleureuses qu'entretenait Simone avec l'occupant, bien que ces pièces soient essentiellement à caractère sentimental, nous dit l'instruction. D'autre part, des témoignages accablants continuent à être déposés. Une voisine qui habite juste derrière la librairie où travaillait Erich Goetz, le fiancé de Simone Touzeau, donc une voisine est entendue et elle déclare en septembre 1945 On entendait tout sans avoir besoin de prêter l'oreille. J'entendais la fille qui venait voir son allemand qui tenait la librairie et qui causait allemand avec lui. J'entendais aussi les bruits des baisers et tous les autres bruits que peuvent faire des amoureux. Il lui apprenait à parler allemand également. Sa mère venait aussi, seule ou avec sa fille. La mère recommandait à l'allemand de bien apprendre l'allemand à sa fille et de bien prendre soin d'elle car elle était jeune. Cet état de choses a duré tant que cette librairie a été chez nous, c'est-à-dire jusqu'en 1942. Les rescapés de la rafle de février 43 sont convaincus que leur arrestation est due à ces deux femmes, même si vous avez vu ce qu'en pensait, ce qu'en disait Simone elle-même. Une femme raconte même avoir vu Simone, je cite, « cracher un jour par la fenêtre en disant à sa sœur « Tiens, voilà pour les anglophiles ». Néanmoins, tous les témoignages ne sont pas à charge, ils sont faux. Par exemple, un ancien prisonnier de guerre en Allemagne raconte avoir reçu de Simone une véritable aide lors de son séjour à Munich en 1943. Au début de l'année 46, la Cour spéciale de justice et la Chambre civique d'Eure-et-Loir vont cesser définitivement leur activité et les dossiers restants sont versés à la Cour de justice de la Seine. Celui de Simone fait partie des fameux dossiers qui sont renvoyés, si vous voulez. Et donc, Simone attend son transfert, cette fois à la prison de Fresnes, où de nombreux collaborationnistes ont été internés depuis la libération. Ils attendent tous, comme elle, leur jugement. En mars, elle écrit à un juge. Voilà ce qu'elle écrit. « Les lettres nous racontent toutes depuis un an que nous sommes revenus au camp de Pithiviers, la vie de ma petite fille dans les moindres détails. Nous l'avons quittée âgée de 3 mois, et sous peu, elle en aura 28. » Toute l'évolution de ce petit être, son éveil à la vie, ses premiers pas, toutes les transformations s'opérant en elle, nous sont décrits et puisque malheureusement nous n'en sommes pas les témoins oculaires, ma sœur s'efforce en quelque sorte de recréer l'atmosphère régnant chez nous de par la présence de ce tout petit. Cela peut vous sembler puéril, mais pour une femme, pour une mère, qu'y a-t-il de plus cher au monde que son enfant ? Dans cette lettre, on sent d'ailleurs qu'on lui a un peu tenu la main à Simone. Pour écrire cette lettre, on apprend également que le fiancé allemand qu'elle a connu à Chartres est mort sur le front de l'Est en juillet 44, au moment de la grande retraite que la Wehrmacht a dû effectuer là-bas. Alors que Simone est donc à Fresnes, le commissaire du gouvernement expose ses conclusions en novembre 1946. Les dossiers du père, de la mère, de la sœur sont classés. En revanche, Simone reste poursuivie avec quand même une requalification de l'accusation puisque l'accusation en question est requalifiée en aide directe ou indirecte à l'ennemi. Elle va donc échapper au risque de la peine de mort et au procès. Le lendemain, sa mère et elle sont finalement libérées. Philippe Frétinier et Gérard Leray nous disent « En cette fin d'année 1946, l'état d'esprit de l'opinion publique évolue. Celle-ci aspire désormais à tourner la page de la guerre. Les institutions de la IVe République achèvent de se mettre en place. La justice française expédie sans passion vengeresse les derniers dossiers de l'épuration. Gagner du temps, telle a été la stratégie de défense de maître Claude Gerbet, donc l'avocat de Simone, stratégie victorieuse. Et oui, Simone est renvoyée devant la Chambre civique de la Seine et le 8 mars 47, elle est condamnée à la dégradation nationale pour 10 ans. Elle va quitter Chartres, elle va aller refaire sa vie près de Paris à Saint-Arnoult en Yvelines. Mais disons-le, son passé ne la quittera jamais, il la rattrapera même constamment. Elle sera mise à l'écart et elle finira par sombrer dans la dépression, dans l'alcoolisme. Simone Touzeau mourra en 1966 à 44 ans à l'Hôtel Dieu de Chartres. Bonjour Fabrice Virgili. Bonjour. Alors, nous avons volontairement évoqué cette affaire d'une femme tondue, rendue célèbre par la photographie qui a fait le tour du monde, la photographie de Capa. En fait, il n'y a pas que des femmes tondues dans l'épuration et nous allons avoir tout le reste de l'émission pour expliquer que c'est un phénomène beaucoup plus complexe, beaucoup plus varié, beaucoup plus nourri que cela. Mais réglons, si je puis dire, cette question des femmes tondues qui, évidemment, par la violence de l'image, reste dans l'esprit des gens. Et c'est ce qui reste. Quand on dit épuration, tout de suite, c'est l'image que l'on conserve encore aujourd'hui. Oui, par la violence de l'image et puis par la réalité d'un phénomène a eu lieu pratiquement partout en Europe. Et en France, dans les plus petits villages comme dans les plus grandes villes. Donc c'est quelque chose que les acteurs de l'époque ont vécu, ont vu. Donc ce n'est pas illégitime que cette image, finalement, incarne l'épuration. Ce qui est important maintenant de rappeler, c'est de dire que l'épuration ne se résume pas évidemment à cette violence-là. Cette violence, néanmoins, comme vous le dites, elle a existé. Combien de femmes sont concernées par le phénomène ? En ce qui concerne la France, autour de 20 000. 20 000. Ce n'est pas, contrairement à l'image qu'on pourrait s'en faire, ce n'est pas une violence purement spontanée. On n'est pas dans un phénomène de lynchage public non encadré. Hein. C'est organisé, cette histoire. Oui, enfin beaucoup plus qu'on ne le pensait, parce que comme vous l'avez souligné, dès 1941, l'idée de s'en prendre aux femmes qui collaborent est exprimée dans la clandestinité, évidemment, dans la presse clandestine, au sein de la résistance. Et donc quand l'événement arrive, la libération arrive, le fait qu'on s'en prenne à ces femmes est quelque chose d'attendu. Un certain nombre d'entre elles savent très bien qu'elles risquent la tonte. Donc il n'y a pas ce côté spontané, où on ne saurait pas d'où ça vient. Et puis il y a un encadrement, parce que contrairement là aussi à ce qui est devenu une sorte de légende et un cliché, ce ne sont pas forcément les résistants de la dernière heure, des gens qui tournent leur veste, qui pratiquent cette violence. Elle apparaît comme légitime, à ce moment-là, de s'en prendre aux femmes qui ont collaboré en les marquant sur leur corps. Et il n'y a pas que ces phénomènes de tonte qui ont été beaucoup racontés, ne serait-ce que par ceux qui en ont le souvenir, hein, pour avoir recueilli beaucoup de témoignages des gens de l'époque de la Libération. C'était mon métier à une époque, n'est-ce pas ? Je sais que c'est ce qui a marqué beaucoup, notamment beaucoup d'enfants, qu'on n'a bizarrement pas mis à l'écart de ces événements et qui ont assisté à ça et qui l'ont vécu comme un traumatisme. Bref, mais il n'y a pas que cette partie-là, il y a aussi toute la dimension judiciaire, ce que nous disions à l'instant à propos de Simone, là, puisque ensuite il y a toute une procédure qui suit son cours. C'est-à-dire que la procédure judiciaire est pensée dès l'occupation, vous l'avez dit, à Alger, à Londres auparavant, et donc le temps de mettre en place ces nouvelles juridictions, parce qu'il y a un problème majeur qui se pose, c'est que l'essentiel des magistrats, la quasi-totalité, ont prêté serment au maréchal Pétain, et qu'il est un peu compliqué d'envisager que ce soit ces mêmes magistrats qui jugent seuls et en toute indépendance les collaborateurs. Donc ça prend du temps, mais finalement, si on réfléchit, c'est assez rapide, hein. L'essentiel du territoire est libéré au mois d'août, les premières cours de justice se mettent en place en octobre, novembre, donc dans un délai finalement tout à fait raisonnable. Et tous les cas sont réglés avant 1947, quasiment. Un peu plus tard, jusqu'en 1949, mais c'est vrai que l'essentiel des cas sont examinés à ce moment-là. Et là aussi, contrairement à l'idée qu'on peut avoir d'une justice qui serait expéditive, et j'ai envie de dire heureusement pour nous historiens, ces juridictions établissent des dossiers, il y a des enquêtes, ce ne sont pas un simple feuillet des dénonciations dans un comme dossier. Ça, bien sûr, oui. Il y a vraiment un travail d'enquête qui peut être fait. Alors, évidemment, avec des différences selon le moment, selon le lieu et selon les personnes poursuivies, selon les témoins aussi qui peuvent être là. Mais il y a un véritable travail judiciaire dans ces juridictions d'exception. Mais il faut entendre d'exception, comme il est vraiment dit clairement à ce moment-là, d'exception, c'est-à-dire que ces juridictions sont faites pour juger les faits de collaboration. Une fois que ces faits seront jugés, ces juridictions n'auront plus lieu d'être et on revient au système classique des cours d'assises ou tribunaux correctionnels du temps de la paix. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Pour cette émission consacrée à l'épuration, Franck Ferrand, vous recevez Fabrice Virgili. Il est historien, directeur de recherche au CNRS et auteur des Françaises, les Français et l'épuration. Un livre écrit avec François Rouquet dans la collection Folio Histoire de chez Gallimard, un livre qui sortira ce jeudi. C'est intéressant le titre que vous avez donné à cet ouvrage, hein. Les Françaises, les Français et l'épuration. C'est bien la perception qu'on en a conservée qui vous a aussi intéressé. C'est très important. Oui, et puis nous voulions surtout montrer que cette épuration n'est pas qu'un événement juridique ou mais là, politique, bien sûr, au contraire, sommet, mais comment cette un société social, vit ça. Voilà, et c'est une histoire, chacun a un souvenir, plusieurs souvenirs de l'épuration, 350 000 personnes poursuivies, vous imaginez le nombre de familles impliquées, on est sur des millions de personnes, et puis les gens qui souhaitent aussi en découdre, ce sont des millions de gens, donc c'est vraiment vécu, et on a pour tous les aspects de cette épuration souhaitaient montrer comment elle a été vécue finalement d'en bas, comment les Français, les Françaises, dans leur vie compliquée de ces moments de la fin de la guerre, vivaient cette épuration. Un ouvrage paraît à peu près en même temps que le vôtre chez First, celui d'Emmanuel Pierrat, La France des vaincus passe à la barre. Donc c'est une histoire judiciaire de l'épuration en France avec un certain nombre de grandes affaires qui sont mises en exergue, comme par hasard un ouvrage d'avocat. C'est très juridique et judiciaire comme question. Alors ça l'est d'autant plus que les premiers travaux juste après la guerre sont essentiellement des travaux de juristes, avant les historiens. Parce que qui dit nouvelle loi inspire forcément les juristes. Il y a une inventivité à avoir. Comment juger finalement un crime, la collaboration, qui n'était pas clairement définie auparavant. Et c'est là où la comparaison européenne est intéressante, parce que chaque pays voilà, bien sûr, va bricoler à sa manière, en essayant d'être le plus près du droit, En France, on va s'appuyer sur un article de loi qui existait avant-guerre, qui est l'article 75, qui punit la trahison avec l'ennemi. Mais la collaboration, c'est un petit peu plus compliqué que simplement la trahison. Oui, alors justement, à propos donc, de la collaboration, il y a eu ce livre sur la liste des collaborationnistes, là. Qu'est-ce que vous pensez de ça, cette publication récente ? Que tout le monde puisse y accéder, ça me paraît la moindre des choses maintenant. Ce sont des dossiers qui sont, comme on dit, déclassifiés. Voilà. En revanche, est-ce qu'il est utile que le grand public puisse accéder à ça à travers les livres ? Non, parce que si quelqu'un de motivé veut accéder, il va aux archives. Et aujourd'hui, ça a été long. Hein. On le raconte d'ailleurs, le temps de la dérogation. Quand nous avons commencé à travailler sur ces sujets, François Rouquet, moi-même et d'autres, avions de temps en temps des courriers qui nous disaient que nous n'étions pas autorisés à consulter. La dérogation avait été refusée. Donc ça a mis du temps, mais aujourd'hui c'est accessible. Donc je crois que ce qui est important, c'est de comprendre, d'analyser ces sources, de s'appuyer sur ces sources qui n'étaient pas accessibles, de les publier telles quelles. Très sincèrement, non, vous l'avez dit vous-même, je cite moi le cas A, alors oui, que vous est connu même pas par le nom tout le monde. De la famille, oui. Je trouve que en dehors de là, personne, là, moi, je me suis permis de donner le nom parce qu'il est très célèbre. Il est devenu très célèbre. Mais évidemment, en dehors de cas tels que Pétain, etc., ça serait idiot de dire le procès P, on est bien d'accord. Mais sinon, qu'est-ce que apporte l'individualisation pour comprendre ce qui est un phénomène social ? Parce que ces gens, qu'on le veuille ou non, ont des familles, et même des familles lointaines, qui portent le même nom. Donc exactement. C'est toujours un peu embarrassant quand même. Alors, venons au phénomène de la collaboration avant d'entrer dans l'épuration telle qu'elle s'est développée. La collaboration, comment est-ce qu'on la définit ? Il y a collaboration politique, collaboration administrative, collaboration au quotidien, et puis il y a la fameuse collaboration horizontale par laquelle nous avons nous commencé. Et puis d'autres d'ailleurs, il y a toute forme de collaboration. Qui la définit et quel est son champ, si je puis dire ? Le premier à la définir, c'est le maréchal Pétain. Nous entrons aujourd'hui dans la voie de la collaboration, octobre 1940. Très tôt dans l'occupation. Très tôt pendant l'occupation, c'est une initiative française, qui est celle du régime de Vichy. Et l'idée à ce moment-là, c'est une collaboration d'État à État. Et évidemment, le terme va ensuite s'étendre pour s'appliquer à toute forme de collaboration. Mais c'est vrai que cette dimension d'État à État va demeurer jusqu'à l'épuration, puisque la Haute Cour de justice, bon, les jugements ne vont concerner qu'une centaine de personnes, concerne les membres du gouvernement, les chefs d'état-major, c'est-à-dire vraiment les responsables politiques gouvernementaux de la collaboration. Et puis ensuite, justement, qu'est-ce que c'est que la collaboration ? Jusqu'où on s'arrête ? La collaboration économique qui aide la machine de guerre nazie est une question évidemment importante. Et qui a des ramifications quasi infinies. Bien sûr, et trouver la limite est extrêmement compliqué. Parce que quand vous êtes réquisitionné par l'armée allemande pour fournir tel ou tel des biscuits ou des armes, mais ça va de l'un à l'autre, qu'est-ce qui est du domaine réellement ? Ou du béton pour les, voilà. Pour les fortifications. Du béton, bien entendu. Où est la dimension réquisition, volontariat ? Donc tout ça est difficile, la frontière est difficile à définir. C'est pour ça que dans l'ouvrage, Les Françaises et les Français d'épuration, on essaye de montrer parfois ce flou, cette difficulté à définir une collaboration qu'on peut qualifier d'ordinaire, qui évidemment, en tant que telle, au niveau d'un individu, on ne va pas se dire « ah ben on va le fusiller pour telle et telle raison ». Et les juristes, à ce moment-là, se posent des questions en ces termes. Comment justement, à la fois montrer la réprobation vis-à-vis de gestes qui manifestement ont aidé l'occupant, sans que ce soit des dénonciations, de la participation armée ou politique active aux côtés de l'Allemagne nazie. On a quand même, et un certain nombre de fictions n'ont fait qu'attiser cette perception, on a quand même l'image de règlement de compte généralisé, que certains ont utilisé, exactement comme ça avait été le cas par exemple dans certaines périodes de la Révolution française, ont utilisé cette épuration pour régler leurs comptes familiaux ou de voisinage quand même. Alors, c'est vrai que ce terme est largement utilisé. J'aime répondre qu'il y avait des comptes à régler. Et les comptes à régler, ce n'est pas simplement l'image du film policier où on va régler des comptes, mais c'est bien des comptes à régler parce que les voisins, des employeurs, des collègues ont aidé l'occupant, ont dénoncé, ont permis l'arrestation de juifs. Et ça se savait, ça se voyait, bien sûr. Bien sûr. Ou alors, justement, se profiter de leur proximité avec l'occupant, et le mot de proximité est essentiel parce que on se dit, bien sûr, boire un café avec un soldat allemand à la terrasse, ce n'est pas de la collaboration de boire un café. Mais si vous utilisez votre proximité connue avec l'occupant... Pour obtenir des documents... Exactement. Voilà. Pour obtenir des documents, pour faire pression sur un collègue, pour qu'il renonce à une promotion, que vous puissiez prendre à sa place, pour obtenir un logement, etc. ça devient plus compliqué. Donc il y a une dimension interpersonnelle, privée. Est-ce que ce sont des règlements de compte type gangster ? Je ne crois pas. Je crois vraiment que c'est une société qui a besoin aussi d'en découdre et de régler ses comptes, d'apurer ses comptes, ce qui prend un sens un peu différent. Alors nous pouvons peut-être tout de suite mettre de côté les grands procès politiques dont vous parliez, qui sont la partie célèbre, médiatisée, si j'ose l'expression, avec un léger anachronisme de l'épuration. Parlons de l'épuration ordinaire, d'une certaine manière. Vous nous dites 350 000 personnes concernées ? Oui, un tout petit mot quand même sur les grands procès, parce qu'on en parle néanmoins. Oui, vous en parlez, monsieur, c'est normal. Oui. Et on essaie d'en parler, par exemple, pour le procès Pétain, qui est au mois d'août 1944, justement à travers comment les gens perçoivent ce procès, en écoutant la radio, en lisant la presse. Donc, on essaie justement de les aborder, mais un peu différemment. Pour tous les autres, excusez-moi du coup, alors je vous dis, ça représente quand même 350 voilà. 000 personnes, ce qui paraît énorme et qui finalement n'est qu'une toute petite proportion de la population. Par rapport à ce qui s'est fait dans certains autres pays, est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins ? Alors en proportion, c'est relativement important, hein, 350 000 procédures judiciaires. Alors certaines, il y a d'abord un nombre de non-lieux qui vont être posés, il y a des gens ensuite... À ces 350 000, il faut ajouter des personnes pour lesquelles il n'y a pas forcément eu de procédure et qui ont été inquiétées. Donc c'est quand même un phénomène massif, sans aucun doute. Et si on compare avec d'autres pays, on n'a pas fait le calcul rapporté à la population. Mais c'est vrai que si le phénomène est européen et sans aucun doute, du point de vue des procédures judiciaires, la France engage beaucoup de procédures. Alors j'espère que tout le monde a bien compris que tout cela n'est effectivement pas une réaction épidermique, spontanée et populaire, qu'il s'agit bien d'un programme concerté, organisé, de longue date, puisque les débuts de l'épuration, ça date presque des débuts de l'occupation, on y vient dans un instant. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Les Françaises, les Français et l'épuration, c'est le titre du nouveau livre de Fabrice Virgili. Il est historien, directeur de recherche au CNRS et il est votre invité, Franck Ferrand. Le livre est à découvrir dans la collection Folio Histoire de chez Gallimard à partir de ce jeudi. Alors une question, Fabrice Virgili, qui me taraude un peu parce que aussi bien à la télévision qu'ici sur Europe 1, il m'est arrivé de faire plusieurs émissions sur des célébrités qui ont été inquiétées à la Libération. Et on cite toujours le cas tellement célèbre de Sacha Guitry, dont je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il ait été collaborationniste, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui pourtant a été arrêté, inquiété, qui a fait plusieurs dizaines de jours de prison, etc. Est-ce que ce cas-là, par exemple, et on pourrait en citer deux ou trois autres, n'est pas l'arbre qui cache la forêt, si je puis dire ? Est-ce que ce n'est pas là une injustice criante qui sème le doute sur l'épuration ? Je ne crois pas. Je crois qu'elle montre, au contraire, comment... l'affichage, la proximité, le fait d'être au restaurant, d'être au milieu, au café, des Allemands, au milieu voilà. des Allemands, mm-hmm. et manifestement de s'y sentir tout à fait pas à l'aise, si mal oui. sans difficulté, hein, fait que, vu par le regard des autres, cette proximité, évidemment, provoque énormément de soupçons. Sacha Guitry va passer effectivement quelques dizaines de jours de prison, et puis il va être libéré. Oui, hein. voilà, oui. Voilà. L'autre cas qui est également célèbre, c'est celui d'Arletty, bien sûr, hein. mais qui est également, à ce moment-là, soupçonné d'une dénonciation. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la fréquentation d'un Allemand qui produit le soupçon. Et elle aussi va être arrêtée et puis finalement libérée. Donc on voit que cette proximité, même si après examen des pièces, montre qu'il n'y avait finalement pas grand-chose ou rien derrière, va être un élément essentiel. Et là, on en parle pour les célébrités, mais ça compte dans chaque village. C'est-à-dire que cette dimension de proximité de l'épuration est quelque chose d'essentiel. On l'a vu dans le cas de Simone Touzeau. La famille Touzeau habite à un angle de rue et dans la rue, et ça parle beaucoup autour, d'autres personnes ont été arrêtées par les Allemands et déportées. Évidemment, la suspicion. Deux morts à Mauthausen. Voilà. On ne le sait pas encore à ce moment-là. À l'époque, on ne le sait pas. À l'époque, on ne sait pas encore. Mais on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et donc, cette dimension, justement, de proximité, d'affichage, va énormément jouer. S'il n'y a rien dans le dossier et si le dossier est poursuivi, en général, les gens, évidemment, s'en sortent. Dans certains cas, ça a des conséquences tragiques parce que dans le moment de l'été où on est la libération, la guerre c'est-à-dire n'est pas terminée. Voilà, il faut bien distinguer là pour voilà. le coup l'immédiat été 1944 avec les FFI, avec les arrestations, etc. Et puis ensuite les procédures dont beaucoup vont durer hein, et vont même oui, s'éterniser un peu pour certaines d'entre elles. Vont s'éterniser. On est quand même sur une justice qui se déroule dans un temps raisonnable, si on peut dire. Mais il ne faudrait pas penser qu'à ce moment-là, toute violence s'arrête. Parce que, autant l'épuration judiciaire est pensée très en amont, on l'a vu, dès 1941. Alors, on va y venir là, oui. Ah bon. Mais l'épuration, on va dire, directe, violente, elle aussi est pensée très tôt. Et donc les deux vont se poursuivre comme une sorte de dialogue, le mot peut paraître bizarre, entre les deux cerveaux. Alors, si quelqu'un est relâché trop facilement, eh bien il y a un certain nombre de résistants qui vont dire « c'est pas possible ». Et on pourrait même dire qu'il y a une utilité politico-sociale, c'est-à-dire qu'il faut bien marquer le coup d'une certaine manière. On ne peut pas faire comme si de rien n'était et passer l'éponge, c'est impossible par définition. Il faut établir un certain nombre d'équilibres sociaux et il faut que puisse s'exprimer peut-être le soulagement d'une population et il y a toute une dette de peur. Je parlais de la peur tout à l'heure, ça joue un rôle sans doute. Oui, la peur joue un rôle considérable parce que là aussi, évidemment, la libération était attendue, mais comment allions-nous sortir de cette épreuve ? Il y a la peur des combats. Quand Simone Touzeau se fait tondre, des combats ont encore lieu dans la ville de Chartres. C'est-à-dire, ce n'est pas l'Allemand est parti, il ne se passe plus rien. Au moment de l'offensive von Rundstedt en décembre 1944, il y a une recrudescence des actions d'épuration violentes parce qu'on a peur qu'ils reviennent. Nous, on sait aujourd'hui que ça n'a pas été le cas, mais sur le moment, c'est beaucoup moins évident. Donc c'est vrai que ce climat de peur persiste et perdure après la libération effective des différents lieux, départements qui ont existé. Alors c'est un des aspects les plus intéressants, me semble-t-il, de votre étude et de toutes ces questions, c'est l'organisation de cette épuration. Vous nous dites, elle a été pensée, aussi bien l'épuration politique que l'épuration juridique, ont été pensées très en amont. Par qui et quand ? Ça c'est quand même assez passionnant. Alors c'est là où il est important de distinguer ce qui est de l'ordre de la France occupée et puis de la France libre, d'abord à Londres et ensuite à Alger. Du côté de la France occupée, c'est en fait penser au fur et à mesure de l'action des mouvements de résistance. C'est du genre « tu paies rien pour attendre ». Voilà, mais très rapidement, l'idée est que les gens qui collaborent ne seront pas impunis. Voilà. Et qu'il faut faire passer, vous parliez de la peur dans l'autre camp. Nous avons peur parce que nous risquons l'arrestation, la mort, la déportation. Il faut que les collaborateurs aient peur aussi. Et donc, très rapidement, des actions sont menées contre les officines collaborationnistes, contre les locaux collaborationnistes, en zone sud comme en zone nord, occupée jusqu'en novembre 1942. Et puis, petit à petit, ça se transforme en listes noires qui vont commencer à circuler, avec une articulation avec Londres. C'est-à-dire Radio Londres, les Français partent aux Français, vont aussi donner des noms de collaborateurs en disant « tu ne paies rien pour attendre ». Parfois sur la forme de ritournelle musicale, parfois sur la forme de liste. Et donc c'est vraiment une montée en puissance tout au long de l'occupation. Le jour viendra où vous paierez. En 41, ce jour paraît très lointain. Mais évidemment, en 43-44, ce jour se rapproche. Eh oui. Et il se rapproche d'autant plus que, dans le même temps, à Londres puis à Alger, un certain nombre de juristes qui sont du côté du général de Gaulle commencent à réfléchir. René Cassin, qui sera prix Nobel, est parmi eux. Comment on va faire pour juger ces gens-là ? De quoi finalement sont-ils coupables ? Et d'où l'idée que l'article 75, qui punit la trahison, va être le moyen d'accrocher juridiquement la poursuite de la collaboration. Ce qui est intéressant, c'est que cette question elle est posée pour toute l'Europe. Et voilà, ça n'est pas seulement français, loin de là. Très intéressant, cette question à l'échelle européenne extra-française. Et puis, on parle aussi d'une épuration dans l'Empire colonial, en dehors de la métropole elle-même. Oui, puisque finalement, elle va un petit peu, finalement moins qu'on ne pourrait l'imaginer, servir de laboratoire, puisque un certain nombre de territoires de l'Empire vont passer au fur et à mesure. On commence avec l'AEF, aujourd'hui le Cameroun, en novembre 40, et puis l'Indochine est le tout dernier. Mais bref, les territoires passent, et comment on fait contre ces élites coloniales qui ont pu rester du côté de Vichy et s'opposer au passage du côté de la France libre ? Avec un procès important qui est celui de Pucheux. Pucheux quitte Vichy, arrive en Algérie en espérant pouvoir négocier un ralliement. Il faut rappeler que c'est l'ancien, un des ministres de l'Intérieur de Vichy, bien évidemment. Donc il a une lourde responsabilité dans la politique de répression de Vichy. Pucheux est jugé, condamné à mort et fusillé. Et ce message est essentiel parce que c'est une manière de dire à tous les autres membres des gouvernements qui sont en France aux côtés de Vichy et qui collaborent, voilà ce qu'il vous attend. Oui. Vous n'y échapperez pas. Donc je pense que nous avons fait à peu près le tour, nous avons compris que ce n'est pas un phénomène purement français, que ce ne sont pas seulement des résistants de la dernière heure qui sont venus régler leur compte, nous avons évoqué cette question de la relative justice. Vous avez un regard assez bienveillant, si je puis dire, sur le bilan de cette épuration. Vous dites que on n'a pas seulement fait payer un certain nombre de fusibles ou de lampistes. Oui, ce qu'on remarque, et c'est assez évident finalement quand on lit tout ce qui est publié sur l'épuration ou quand on voit comment l'épuration de temps en temps s'invite dans le débat public, c'est cette sorte d'insatisfaction dès le début finalement. Dès le début, l'idée que ce n'est pas les bons qui ont été punis, c'est les mauvais. Ah, oui, oui. Si on regarde, en étudiant bien ce qui s'est passé, en comparant et sur la période, on s'aperçoit que finalement en 5 ans, un nombre important de personnes ont été jugées et condamnées, qu'un changement générationnel a eu lieu et que aujourd'hui, on juge un certain nombre de criminels de guerre 20 ans après, parfois. Et là, finalement, en 5 ans, l'essentiel a été fait. Alors, bien sûr, sur une telle masse, un tel effectif, il y a des gens qui sont passés à travers et les mains. Et puis, avec des résurgences très récentes. Hein, ah oui, bon, notre livre s'arrête à l'été dernier, hein, bah oui. Avant de le rendre à l'éditeur. Ça serait presque l'objet, ça, d'une autre émission. Merci beaucoup, Fabrice Virgili. Votre ouvrage avec François Rouquet, « Les Françaises, les Français et l'épuration » est publié. Il va sortir là, jeudi prochain, en folio Histoire, donc chez Gallimard. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et c'est un retour aux origines aujourd'hui consacré à un vêtement que nous avons tous, au moins en un exemplaire à la maison. C'est le jean, Franck. Ça vient d'où, le jean ? Oui, le nom même de jean vient de la ville de Gênes, figurez-vous. Les grandes manufactures de ces premières toiles étaient génoises et donc c'est une simple déformation. Et lorsque on s'est mis à en produire dans tout le sud de la France et notamment dans la ville de Nîmes, eh bien, ça a été l'origine du nom de Nîmes, hein, qui est une simple contraction des mots de Nîmes. Donc voilà, ça c'est pour les noms du jean, du blue jean. D'ailleurs, c'était le blue jean au départ, c'était le blue jean. Genova. Donc, vous voyez, ça vient directement de là. Alors, pour ce qui est du jean en tant que vêtement tel que nous le connaissons, c'est au 19e siècle, on a souvent raconté ça, hein. En 1853, un Bavarois, juif, ai-je besoin de vous le dire, il s'appelle Lévi-Strauss, va s'installer dans l'ouest des États-Unis. Il fonde une entreprise très célèbre qui va devenir la fameuse marque Levi's, hein, bien entendu. Et il va fournir aux mineurs qui sont, on est en plein gold rush, hein, c'est la ruée vers l'or à ce moment-là. Il leur fournit des toiles qui sont très utiles pour leurs tentes, mais aussi qui peuvent être utilisé pour comme vêtements. C'est Jacob Davis, qui est un des tailleurs à qui Strauss fournit son tissu, qui, devant la demande d'un certain nombre de personnes, va se mettre à découper dans ses toiles de tente, si vous voulez, de quoi faire des pantalons très solides, puisqu'il il fixe des petits rivets sur les points sensibles, ce qui fait que le vêtement en question ne se déchire pas. Et bien alors là, cette fois, ça y est, le modèle va d'ailleurs être breveté, et à partir de 1873, le modèle du blue jean est définitivement breveté. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.